Alors, je l'ai connu quand j'avais à peu près 20-25 ans parce que j'allais à côté à la Croix de Lorraine. Mais je passais aussi, c'était pas le même patron. Après, j'ai ralenti. Mais de temps en temps, quand je passe sur Dunkerque, j'aime bien revenir sur ce lieu parce qu'il a toujours été pareil, il a toujours été convivial. Parce que nous, les gens du Nord, on aime recevoir. Et même quand on connaît pas des gens, on rentre dans un café, on serre tous la main. Même si on ne connaît pas la personne ou quoi que ce soit. J'ai fait du déplacement partout, ça se passe pas comme ça. Mais à Dakar, c'est comme ça. Et bah, aussi vite, je sais comment il s'appelle le patron, je sais comment il s'appelle les gens. J'ai rigolé avec cette dame qui fait un délire photo. Et en plus, on rigole entre nous. Je lui dis, vous avez 53 ans. Je sais très bien que cette dame, elle n'a pas 53 ans, mais c'est juste pour plaisanter. Et pour avoir un sourire et sur on n'a pas le temps, mais on a toujours le sourire quand même. Donc bon, je suis né en 73, hein, moi j'ai 51 ans. Je suis arrivé un petit peu plus tard. Je sais pas si elle est encore là parce que j'ai du mal à. Mais ce bar-là, ça fait des années et des années que je viens. Et ça me fait plaisir de voir cette femme qui a tenu ça dans les années 80, quoi. Donc je trouve ça extraordinaire et puis j'ai rencontré le patron, enfin j'ai pas venu depuis un moment, il est super génial quoi. Et puis bah, que du bonheur. Si on prend les origines, je pourrais pas en parler. Ouais mais là tu m'enregistres. On va dire que il y a un moment, bah, ouais, il y avait des. Partir avec des femmes gentilles, on va dire, sans les prononcer, sans dire quoi que ce soit. Tout simplement. Mais tout le temps dans la bonne humeur. C'était un peu ça, quoi. Dunkerque restera Dunkerque, en fait. Voilà.